Quand j'étais gosse, j'avais de l'appréhension, ouais. De l'ambition. Je disais par amour, pas par prétention. Quand je serai grand, je veux habiter à la mer, avec mon père et ma mère. Marcher dans le sac, puis prendre le RER. J'avais 10 ans, c'était en 81. On est en 98, frérot. J'ai pas changé de numéro. Quand je serai grand, je veux habiter à la mer, avec mon père et ma mère. Marcher dans le sac, puis prendre le RER. Ouais, allô. Ouais, allô, salam. Bonjour, salam. Bien ou bien, ça fait quoi là? Bah, bah là, rien. Nico, il m'a appelé là, on va aller au studio, on va écouter. Toi, tu fais quoi? Bah, moi, ça fait rien, je suis posé devant chez moi, ça galère sec. Ouais, bah vas-y, hein. On se rejoint là-bas de toute façon. Ok, ça va. Vas-y, t'as l'air. Vas-y, à talent, Charles. Je veux savoir.